silence sans fin. La brume douce approche, approche. La brume douce caresse mon jardin. Où vas-tu, vagabonde? Où vas-tu ce matin? Bientôt le soleil inonde ta blancheur de rayons gredins. Tu t'étires lascive, tu t'en vas à pas de loup. Tu hésites sur la rive du grand bois profond et roux. Je te vois qui t'effiloche dans l'air figé, dans l'air doux. Tu tentes une dernière approche, tordant tes bras de grigou. Je vois ton corps élastique qui respire dans le vallon. Tu enflas un point critique, car tu meurs par dissipation. Adieu donc, douce campagne, grand merci d'être venu. Cache-toi dans la montagne où l'on ne te verra plus. Et tu t'envoles légère, tu montes haut dans le ciel. Tu t'échappes de la terre, petite cousine de l'arc-en-ciel. Tu reviendras, j'espère, au matin, une prochaine fois. Je t'attends sagement, ma chère, quand tu sortiras des bois. J'espère au matin une prochaine fois. Je t'attends sagement, ma chère, quand tu sortiras des bois.